Le mardi 30 août, il est midi 30. Ici Dominique Lelièvre. Voici ce que l'on surveille pour vous dans l'actualité. D'abord, la Ville de Québec pourrait faire mieux dans l'octroi de ses contrats en informatique. C'est la principale conclusion du vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Sanson, dont le rapport était rendu public ce matin. Si la Ville respecte les exigences de la loi, elle ne favorise pas suffisamment la concurrence et elle fait parfois aussi preuve de méconnaissance du marché. On apprend notamment que dans le cadre des appels d'offres ces trois dernières années, il n'y a eu qu'une seule soumission. Le document qui laisse ainsi entendre là, que la Ville a pu payer trop cher dans le cas de certains contrats en informatique. Écoutons M. Sanson, le vérificateur général. Il y a peut-être un pourcentage de 75 % des montants des contrats qui ont été octroyés à environ 25 ou 28 % des fournisseurs. Donc, un nombre relativement peu élevé de fournisseurs qui ont eu un montant important des contrats. Il faut être bien prudent. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas en mesure de dire est-ce que c'est correct ou c'est pas correct. On ne le sait pas. Mais la Ville, à notre avis, est rendue à cette étape-là, à un niveau plus stratégique, de procéder à ces analyses-là pour s'assurer que la concurrence joue vraiment lorsqu'on fait des appels d'offres dans le domaine des technologies de l'information. Le vérificateur général qui s'est aussi penché sur l'entretien des véhicules motorisés à la Ville de Québec, la Ville qui dispose tout de même d'un parc de 1 800 véhicules. Or, dans ce cas-ci aussi, la Ville manquerait d'efficacité. Un camion qui sert pour l'hiver, qu'on enlève la gratte, passez-moi l'expression, en avant pour l'été, c'est toutes des choses qui peuvent être planifiées qui présentement ne le sont pas. Donc, on gère le quotidien. On gère beaucoup plus le quotidien sans trop de planification à court ou moyen terme. À Trois-Rivières, le principal suspect dans l'affaire Cédrica Provencher est accusé de possession et distribution de pornographie juvénile. Jonathan Béthez, 36 ans, a donc été arrêté hier en lien avec ses accusations de pornographie juvénile et non pour la disparition de la jeune fille survenue il y a 9 ans, puisque dans l'affaire Cédrica, la Sûreté du Québec a certes de sérieux doutes à son endroit, mais elle manque de preuves. L'homme a été rencontré par les policiers. Il a refusé de se soumettre rapidement. Appelons-le au polygraphe. C'est aussi le seul suspect qui était à l'époque propriétaire de cette fameuse Acura rouge dont on a tant parlé. Et puis aujourd'hui, on apprend qu'il est accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile. On termine avec ce dossier régional, celui du troisième lien. Selon le journal Le Soleil, le ministre des Transports, Laurent Lessard, serait sur le point de rendre public l'étude de faisabilité sur un éventuel lien sous-fluvial Québec-Lévis. Ce serait une affaire de jours. On sait que le gouvernement provincial l'a en main cette étude depuis plusieurs mois, mais refuse à ce jour de la dévoiler. Sauf que le ministre Lessard est la cible d'une pression qui est importante de la part de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais aussi, bien sûr, des maires de Québec et de Lévis. Il y a l'opinion publique aussi, et tous ces gens réclament depuis un moment maintenant de rendre publique cette étude, et ce serait fait au cours des prochains jours, selon des informations du journal Le Soleil. Voilà pour ces KRL, c'était Dominique Lelièvre et les informations.